soyez doué, tu m'aimes. L'état du monde, soyons le même, qu'on a cassé. Bien, ça n'est pas, à peine, n'est La panne est zèle.